Éclat de lumière sur Fadjet. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Éclat de lumière du mois de février 2025. Je suis Victor, rédacteur et coordinateur en chef pour Lumière en Art. Et pour cette émission, je serai accompagné par Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Et par Mouloud. Bonjour à tous. Nous sommes en février 2025, les jours commencent doucement à rallonger, les températures font un petit peu le yo-yo en Lorraine et l'équipe de Lumière en Art est plus que jamais motivée pour vous apporter de nouvelles recommandations culturelles dans le Grand Est, mais aussi partout en France. Un très beau programme ce mois-ci. En plus de l'habituel agenda culturel, cinéma et littérature que nous vous proposons tous les mois, nous recevons aujourd'hui René Rousseau et Benjamin Laperteau, donc écrivain et metteur en scène au sein de la compagnie Branle-Bas de Combat, qui viennent nous parler notamment de leur spectacle « Les comédiens italiens chassés de Paris » qui a été créé et joué pour la première fois lors des journées mondiales de la Commedia dell'arte qui se sont tenues à Nancy en 2024. J'en profite avant toute chose pour vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur le site de Radio Fadjet, radiofadjet.net en podcast, mais aussi sur nos pages Facebook, Lumière en Art et Lumière en Art officiel, ainsi que sur notre Instagram magazine lumièreenart.mag. Et depuis récemment aussi sur TikTok, c'est très important. Tout d'abord donc, nous accueillons René Rousseau et Benjamin Laperteau. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc écrivain, metteur en scène au sein de la compagnie Branle-Bas de Combat, qui présente donc cette nouvelle création dont je parlais en introduction, Les comédiens italiens chassés de Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette troupe de théâtre et de cette nouvelle création ? La troupe de théâtre, la compagnie Branle-Bas de Combat, a été créée il y a environ 8 ans, 7 ans exactement. Hein, 7 ans, hein. C'est ça, 7 ans. 7 ans. Et elle est née, sur les cendres d'autres compagnies théâtrales qu'on avait montées avec Benjamin. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, moi, je suis toujours prof. Et j'avais créé un atelier de théâtre auquel participait Benjamin et d'autres élèves. Et ensuite, certains ont continué à faire du théâtre. Et on se retrouve près de 25 ans après à faire du théâtre encore ensemble. 24 ans et demi. 24 ans et demi. Toujours très, très précis. Bientôt 25, on peut être un peu plus précis. Gilles ? Oui, donc c'est une belle aventure, c'est bien. Puis nous, on a eu l'occasion de se croiser à différents spectacles, notamment Paulus Park, dont on reparlera tout à l'heure. Et c'est une chance pour nos auditeurs de découvrir à la fois le metteur en scène et puis Benjamin, comédien. Ce sont des moments pétillants qu'on avait pu découvrir dans le spectacle Paulus Park et pour la suite, ils vont vous dévoiler leurs petits secrets et on vous invitera très nombreux à découvrir leur prochain spectacle. Notre prochain spectacle qu'on a créé l'année dernière pour les Journées mondiales de la Commedia dell'arte, qui s'appelle « Les comédiens italiens chassés de Paris » et qui, comme le Paulus Park, part d'un événement historique. Le fait que Louis XIV ait chassé les comédiens italiens de Paris en 1697, parce que ils auraient, rien n'est vraiment assuré au niveau historique, mais en tous les cas, ce qui se dit, c'est qu'ils auraient joué donc une comédie intitulée donc La Fausse Prude, et dans laquelle ils se seraient moqués de Madame de Maintenon, que le roi Louis XIV avait épousé donc secrètement en seconde noces, et ceci donc a créé, leur malheur, puisqu'il les a chassés. Et on est parti de ce fait historique, et on a créé un petit peu ce spectacle. Surtout que ce texte de La Fausse Prude n'existe plus, il n'y a plus de traces, donc on s'est amusé à recréer une petite scène, justement pour montrer ce qu'aurait pu être La Fausse Prude à l'époque face à Madame de Maintenon. Et à partir de cette scène, on a créé tout un spectacle qui s'inspire de la Commedia dell'arte et qui n'est pas du tout un canevas de Commedia dell'arte, mais que l'on traite vraiment comme de la Commedia dell'arte, avec des personnages qui sont les personnages typiques de la Commedia, c'est-à-dire on retrouve dans ce spectacle des masques tels que Arlequin, Pantalone, Pulcinella, il Dottor Balanzone, il Capitan Spaventa et tous ces personnages-là, donc, et d'autres spectacles. Notre personnage, tel que Colombine, sont là et puis ils vivent ce départ de manière assez terrible pour eux parce que ce sont des comédiens qui étaient installés à Paris et qui avaient vraiment énormément de succès. Et ils étaient même, ils ont même été très très longtemps les chouchous du roi Louis XIV qui leur donnait plus de 16 000 livres par an de rente, c'est-à-dire beaucoup plus que pour les comédiens français. Et puis, et d'un seul coup, donc, ils tombent en disgrâce et ils partent. D'ailleurs, il y a un tableau fameux, un tableau de Watteau, donc, qui représente ce départ où on voit ces comédiens italiens qui sont complètement déchirés à l'idée donc, de devoir partir de Paris, de devoir quitter Paris. Et il les a condamnés donc, à partir à 120 lieues de Paris. 120 lieues, c'est énorme pour l'époque. Mmh. C'était Trump avant la date, oui. Ouais, et puis c'est un spectacle intéressant parce que ça permettra au public de découvrir l'état d'esprit de la Commedia avec les costumes, les masques. Quand on voit un petit peu aussi les extraits sur l'annonce vidéo, c'est très alléchant et ça donne envie de découvrir. Il y a combien de personnages, de comédiens ? Peut-être, alors Benjamin ? Alors actuellement, on est 9, même je crois 10, puisqu'on a réussi à... On a notre noyau de la troupe à nous, et puis on a intégré l'an dernier quelques étudiants en italien qui nous ont rejoints sur ce projet, qui n'avaient pas fait de théâtre avant. Ça a vraiment été leur toute première fois, qui sont admirablement bien débrouillés. Donc on continue à faire un petit peu de chemin avec eux, et on essaye de faire profiter un petit peu à tout le monde de ces joies du théâtre. Est-ce qu'on va retrouver des comédiens du précédent spectacle ? Oui, on est tous là. Tous là, Florian étaient, aussi. Voilà, tous ceux qui étaient bien là dans le Poilus Park sont là dans la Commedia. Oui, les 5 comédiens du Poilus Park sont là et ils sont rejoints donc par d'autres comédiens qui ont aussi énormément de talent. Et voilà, donc on est vraiment très très heureux de pouvoir... proposer ce spectacle. C'est un spectacle qui tournait longtemps, longtemps dans les têtes. Et puis, on a eu l'occasion de le réaliser parce qu'on a été invité par M. Ferron, donc, qui nous connaît et qui connaît le travail que l'on fait. Et il montait ses journées mondiales de la Commedia dell'arte. Et il m'a contacté pour essayer de faire un spectacle. Et on est parti sur cette idée-là. Et on a eu l'occasion de jouer 2 fois ce spectacle lors des JMC de l'année dernière, en février. Une fois donc sur... À Nancy, au Cercle du Travail pour la Fête de l'Europe. Mais avant, pour les Journées Mondiales de la Commedia dell'Arte. Et on l'a joué donc sur... Ah non, c'était la Journée Mondiale, c'était les toutes premières fois. On l'a fait. Non, mais je veux dire, on l'a joué 2 fois pour les Journées Mondiales de la Commedia dell'Arte. Et une fois à Saussure, c'est ça ? Donc c'était Saussure le matin, ouais, sur le marché, et l'après-midi dans le salon carré de l'hôtel de ville. Voilà. Aux actes citoyens, non ? On n'est pas... On n'a pas joué aux actes citoyens, mais on y jouera cette année. Ah d'accord. Voilà. On sera à la programmation cette année le 15 mai. Voilà. Oui, on va reparler un peu des infos pratiques, à la fin, ouais. C'est utile pour les auditeurs. En définitive, la durée du spectacle... La durée du spectacle, c'est 1 heure. Voilà. 1 heure, oui. C'est une petite heure. On fait toujours des spectacles très courts, mais qu'on veut dense. Voilà. Très riche. On ne fait pas de spectacles très longs. Alors parfois, parce que dans la Commedia dell'arte, il y a aussi beaucoup d'improvisation. Et parfois, donc, selon l'improvisation, ça peut déborder 1h05, 1h10. Ça peut se prolonger un petit peu par... Voilà. Pas énormément plus. Et le public. Oui, l'improvisation, c'est en fonction de la salle, quoi. Si effectivement... L'improvisation, c'est en fonction, justement, des interactions avec la salle, avec le public. Voilà. Parce que c'est un spectacle, comme le Poilus Park, d'ailleurs, qui demande, qui a une interaction avec le public. Ouais. On travaille énormément sur la rupture du quatrième mur et sur la possibilité, justement, de travailler et d'interagir avec notre public. Ouais, c'est un spectacle vivant, quoi. Exactement. Mais alors, justement, moi, j'avais une petite question. Comment ça se, ça s'écrit et ça se prépare, un tel spectacle? Justement, est-ce qu'il n'y a pas du tout d'écriture, ou est-ce que vous avez quand même quelque chose sur lequel un petit peu retomber, entre guillemets, en fonction des improvisations et du lien avec le public? Ah non, il y a bien sûr un texte qui est écrit, et ce texte qui est écrit, il nous sert véritablement de base, et c'est ça qui nous conduit pendant tout le spectacle. Il n'empêche que parfois, on a des improvisations selon les interactions avec le public. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le spectacle, il se modifie justement aussi en fonction de ces interactions. Et parfois, les improvisations, elles apportent tellement au spectacle et elles apportent tellement à l'occasion donc, de la représentation qu'après, on décide de les inclure dans le spectacle aussi. Ça fonctionne un petit peu toujours comme ça. En plus, comme on est neuf à travailler, il y a déjà un petit peu des improvisations entre nous, parce que on est certains à se connaître depuis très longtemps, donc on essaye un petit peu de surprendre les uns les autres. Donc la complicité joue beaucoup sur scène. Tout à fait, donc voilà, il y a un texte, et puis ce texte, de toute façon, est changé de semaine en semaine. Oui, c'est comme dans le jazz, quoi. Il y a toujours un qui part en avant aussi. Oui. Il y a une improvisation, mais on retombe toujours sur nos pieds, parce qu'on sait exactement où on doit aller. Donc, une colonne vertébrale. Voilà, la colonne vertébrale est très forte et on retombe toujours dessus. Et puis, on arrive à mener notre spectacle jusqu'au bout et sans embûche. Le spectacle s'adresse à tout public ? Le spectacle s'adresse vraiment à tout public. À partir de 6 ans, 7 ans. Donc pour les jeunes publics, on peut le suggérer. En tout cas, d'après ce qu'on avait pu en voir précédemment, puis le spectacle a dû évoluer, j'imagine. Ça fait presque un an. Enfin oui, la Comédia, ça fait déjà... Ça fait un an. Fait un an, oui. Donc voilà, on avait beaucoup apprécié. C'est pour ça que c'est un peu aussi le choix du coup de cœur du magazine Lumière. On reparle un peu peut-être du précédent spectacle, si vous voulez... Puis après, on donnera à la fin des infos pratiques sur les dates, les lieux, les représentations. Alors, précédent spectacle, mais qui continue à jouer, on continue à tourner. La dernière fois, ce fut le 10 novembre à Bainville-sur-Madon. Ouais, Bainville-sur-Madon, où on a eu énormément de public. La salle était archi pleine et ça nous a fait vraiment énormément de plaisir. Et puis, les retours ont été excellents pour nous. C'était vraiment quelque chose de très important. Oui, alors à Bainville-sur-Madon, c'est un public de Nancy majoritairement qui est allé, ou alors c'est qu'il y a un public théâtre là-bas? En fait, là-bas, la mairie avait décidé de faire un week-end de festivités autour donc, de l'armistice, et puis ils ont entendu parler de nous, et en fait on est venu se greffer à leur projet, donc il y avait des restituteurs qui étaient présents, des auteurs, des conférenciers, et il y avait une place pour le soir pour jouer justement le Police Park, parce que c'est une histoire... un peu méconnu de la guerre. Voilà, tu peux peut-être parler un peu des thèmes, voilà. Ah, c'est le coup qu'on n'a pas pu y aller parce qu'il y avait du brouillard ou c'est le jeu, ça. Je me rappelle plus. Il y avait du brouillard. Ça y est, ça me revient. Il y avait énormément de brouillard. Oui, exact. Un hiver lorrain, finalement. On va passer une petite musique pour une courte interlude musicale et puis on retrouvera juste après Benjamin Laperto et René Rousseau qui vous donneront toutes les informations pratiques où est-ce que vous pourrez retrouver notamment donc ce spectacle. Je vous laisse, moi j'avais envie un petit peu de rock pour ce début d'année, plus précisément de grunge, donc c'est un grand classique, Nirvana, Come As You Are. On se retrouve dans quelques minutes sur Éclat de Lumière, Fadjet Radio. I'm De retour sur Fadjet Radio, c'est toujours donc l'émission Éclat de Lumière, comme tous les deuxièmes jeudis du mois à 17h. Nous sommes donc de retour avec René Rousseau et Benjamin Laperto qui sont venus donc nous parler de leur dernière pièce de théâtre en février. Messieurs, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu désormais de les infos pratiques, l'agenda? Où est-ce qu'on peut retrouver, où est-ce qu'on peut aller voir cette pièce de théâtre qui est intitulée, je le rappelle, Les comédiens italiens chassés de Paris? Alors la prochaine date, ce sera jeudi 27 février, mais là ce sera au lycée Chopin. Le lycée Chopin organise une semaine spéciale italienne, puisque là-bas ils ont la section européenne italienne, donc... On est invité à venir jouer, et sinon, dans les prochaines dates qui sont sûres, on peut citer le festival du coup aux actes citoyens à Tomblaine, le dimanche 25 mai, tout à l'heure je me suis trompé. Donc dimanche 25 mai, 11h, et normalement synchro. C'est en plein air, donc c'est tout public. Donc là, voilà, c'est ouvert à tout le monde, à Tomblaine, espace Jean Jaurès, dans les alentours de l'espace Jean Jaurès. Et est-ce que vous allez rejouer, parce qu'on parlait tout à l'heure du coup du précédent spectacle, est-ce que ce précédent spectacle sera rejoué ou pas du tout? Là, c'est prévu dans les prochains mois ou pas du tout? Alors, la Comédia, il y a des dates qui sont pour l'instant pour parler à différents endroits en Lorraine, donc on n'est pas sûr, donc on ne les annonce pas. Et le précédent spectacle, le Police Park, là encore, on essaie de démarcher, de diffuser, et d'essayer de trouver des lieux pour jouer, mais oui, on a l'envie de continuer à le tourner. Et c'est pour ça que on prend la balle au bon ici pour faire un petit peu la publicité de nos spectacles et vous avez bien raison. Et de venir et de nous contacter. Vous pouvez, les gens qui sont intéressés peuvent nous contacter. On a un Facebook sur la compagnie Branle-Bas de Combat. Et donc vous pouvez laisser des messages, nous contacter. Nous, on a vraiment envie de jouer. On essaie de faire en sorte de pouvoir jouer le plus souvent ces deux spectacles. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on se fera un plaisir de venir jouer chez vous. Les modalités pour se rendre au lycée Chopin, c'est ouvert au public ou comment ça se passe alors? On ne croit pas. On a quelques invitations apparemment pour nous, comédiens, pour amener quelques personnes, mais normalement, ça va être réservé aux étudiants, aux internes. C'est ça. Oui, et surtout, je crois qu'ils ont aussi, si je ne m'abuse, ils ont aussi donc une section théâtre. Mmh. Oui, une section théâtre, il y a pas mal. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est invité. Je sais qu'il y a aussi un atelier de masque, un atelier de travail sur la commedia dell'arte par Bruno Lovadina, donc un acteur qui vient des environs de Padova. Et il y aura aussi une conférence de Oreste Sacchelli, qui était un collègue aussi donc de la fac, qui est le président du Festival de Villerue, du Festival du film italien. Donc, ils ont organisé cette semaine italienne à Chopin. C'est quand même assez extraordinaire ce qu'ils font. Et nous, on est vraiment très, très heureux de pouvoir y participer. Est-ce qu'on pourra imaginer, parce qu'on en avait rapidement parlé au niveau du magazine Lumière, c'est qu'on essaiera de faire un reportage aussi sur votre démarche, qui est très inclusive dans la pratique artistique. Hein. Voilà, quand même, par rapport au théâtre, c'est un événement quand même sur... largement au-delà du Grand Nancy, parce qu'en lycée, il y a peu d'événements comme ça, donc dans le cadre de cette semaine italienne, donc on vous accompagnera si on peut le faire bien volontiers. Et puis de toute façon, c'est un coup de cœur, comme on vous l'a dit, du magazine Lumière en Art. Et en fait, on est vraiment ravis parce que on n'a pas énormément de projets comme ça. Donc vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site du magazine Lumière en Art, sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, même Instagram et TikTok maintenant. On a parlé tout à l'heure des différents Facebook de Lumière en Art et on va suivre ça d'un œil, même des deux yeux, pour la Comédia dell'Arte, très très passionnée. Oui, puis c'est un spectacle vraiment joyeux, c'est un spectacle... pétulant, pétillant, et vraiment on a énormément de plaisir à le jouer, et je pense que les gens ont aussi beaucoup de plaisir à voir ce spectacle. Je pense, oui, et puis le grand rendez-vous pour tous les citoyens du Grand Nancy et au-delà, ça sera donc le 25 mai, il ne faudra pas rater ça, en extérieur, donc dans le cadre... du festival de théâtre maintenant qui rayonne énormément aux actes citoyens à Tomblaine. Ah oui, c'est incroyable. Nous, on est vraiment ravis d'être invités et de pouvoir jouer ce spectacle. Parce que l'année dernière, quand on a joué ce spectacle, étant donné qu'il a été, on devait jouer en extérieur, et puis finalement, il y a eu des retards qui ont été pris, on ne pouvait plus jouer en extérieur, on a dû le jouer à l'intérieur, dans le salon carré de l'hôtel de ville, et du coup, il y a plein de gens qui n'ont pas pu voir ce spectacle, qui sont restés à la porte, et nous, on était vraiment désolés. Donc certains sont venus le voir lors de la journée européenne en mai de l'année dernière, mais beaucoup qui s'étaient déplacés aussi pour voir ce spectacle n'ont pas pu le voir, et nous on est ravis de pouvoir leur proposer à nouveau le 25 mai de pouvoir le voir. Et dans l'agenda culturel du magazine Lumière en Art, chaque mois, on annoncera bien avant, bien en amont, ce spectacle du 25 mai aux Actes Citoyens, pour que vous puissiez le... Soyez très nombreux à le découvrir. Pour conclure un petit peu cette interview, on aime bien chez Lumière les suggestions de la part de nos coups de cœur et de nos invités, les suggestions culturelles, puisque l'on parle ici, on parle de culture en général, donc de cinéma, de littérature, de théâtre, de que sais-je encore. Alors, est-ce que vous avez une petite recommandation, messieurs, ou pas du tout? Et pour finir. Si j'ai une recommandation à faire, c'est au niveau du cinéma. Je suis allé dernièrement voir un film qui m'a énormément plu. C'est le film Conclave. Voilà, énormément bien joué. Le scénario est incroyable. On est dans le fictionnel, mais on est dans la fiction, mais ça, il y a tellement de vérités qui sont assénées dans ce spectacle-là. Et ça m'a énormément plu ce film. Voilà. Moi j'irais bien le voir justement pour voir le débouclage, si ça va se passer de la même façon au gouvernement actuel. Mais c'est un film d'Edouard Berger, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui a fait À l'Ouest, rien de nouveau, le film qui est sorti sur Netflix, et je pense qu'il aura une belle carrière puisqu'il est déjà lauréat du Golden Globe du meilleur scénario, et qu'il est bien parti pour avoir l'Oscar aussi. Hein, donc, et puis les acteurs Tucci, Fiennes, Isabella Rossellini sont incroyables. Alors, on ne s'est pas concerté, mais effectivement, je l'ai vu aussi, mais on ne l'a pas vu ensemble. Comme quoi. J'aurais dit Conclave également. C'est dommage qu'Isabella Rossellini n'ait pas un rôle un peu plus grand dans le film. Mais elle est nommée, ceci dit, elle est quand même nommée pour aux Oscars. Oui, le grand cinéma italien n'est pas encore mort, en fait. Cinecittà a encore de l'avenir devant elle. Merci beaucoup, messieurs. Je voulais faire une suggestion donc pour faire de la pub, hein, mais je crois que vous l'avez déjà fait d'ailleurs, déambuler en ville avec les costumes, avec vos costumes de scène. Voilà un bon moyen pour faire de la pub. Alors justement, ça c'était un plaisir incroyable, c'est qu'au JMC justement, comme il y a eu beaucoup de retard, on a en attendant de voir ce qui allait se passer, nous on était déjà en costume et on a pu déambuler dans cette place Stanislas. Alors, il y avait un soleil magnifique. Alors les gens s'arrêtaient, prenaient des photos, on parlait en italien avec eux. C'était un moment incroyable et c'est vrai qu'on pourrait y penser. Ah, c'est très bien. Moi, j'ai vu ça, j'ai observé. J'avais pris des photos que j'ai supprimées après. Mais les gens, ils étaient contents de voir ça, quoi. Surtout les touristes, quoi. La Comédie de l'Arte à Nancy. Ça a eu énormément de succès. Hein. Ah oui, c'est entièrement. C'était une place vivante pour un spectacle vivant. C'était une belle réussite. Exactement ça. Et c'est ce qu'on recherche. Merci beaucoup. Merci à vous. Messieurs. À bientôt. Merci beaucoup. Bientôt, merci. Merci beaucoup pour ce très bon moment. On va faire une petite interlude musicale. Genesis, Invisible Touches. On revient dans quelques minutes pour l'agenda culturel et parler un petit peu plus précisément des Jokers prochains. A tout de suite sur Fadjet Radio. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de lumière. On est ensemble pour encore une petite demi-heure afin donc de discuter de la culture et de vous partager nos coups de cœur sur, tous les aspects. On a donc, on arrive dans la deuxième partie de cette émission, après donc cette magnifique entretien avec Benjamin Laperteaux et René Rousseau de la compagnie Branle-Bas de Combat. On arrive dans la deuxième partie de cette émission, partie qui est donc dédiée à l'agenda culturel. J'ai trois recommandations à vous faire pour ce mois de février et de début mars. Tout d'abord, une première recommandation qui me vient d'une de mes passions personnelles, qui est l'opéra. À l'Opéra, du 28 février au 6 mars 2025, se tiendra l'opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski, mise en scène donc par Julien Chavez. C'est donc une adaptation du roman de Pushkin, cette adaptation a été écrite en une nuit par Tchaïkovski. C'est un formidable récit de l'échec d'une histoire d'amour, d'un rendez-vous manqué, d'un destin tragique entre Onéguine et la jeune Tatiana. C'est une représentation donc qui se tiendra du 28 février au 6 mars, une représentation tout à fait particulière et actualisée qui aura de nombreux échos, j'en suis sûr, pour tous les spectateurs qui pourront s'y rendre, avec beaucoup d'émotions au rendez-vous. C'est un rendez-vous qui est à ne pas manquer. Personnellement, j'y serai très certainement. Donc voilà, l'opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski, mise en scène par Julien Chavez, c'est à l'Opéra National de Lorraine de Nancy, du 28 février au 6 mars. Dépêchez-vous de prendre les dernières places parce que c'est un opéra, c'est un chef-d'œuvre qui est quand même assez connu et reconnu et il n'y a déjà plus beaucoup de places et de représentations disponibles. Ce mois-ci est un mois de classique. Autre classique, cette fois-ci au Théâtre de la Manufacture. Du 25 février au 1er mars, on est approximativement dans les mêmes horaires que pour l'opéra, avec une représentation, ou plusieurs représentations, du Menteur. Cette comédie baroque de Pierre Corneille, qui a été d'ailleurs très récemment replacée dans les programmes scolaires du lycée. C'est une pièce de théâtre qui a une mise en scène tout à fait particulière, puisque je me permets de vous en dire un petit peu plus. Elle est dotée d'un impressionnant dispositif de miroir articulé, ce qui offre effectivement une très grande liberté de jeu aux acteurs et des représentations qui sont uniques à chaque fois, puisque les miroirs sont donc articulés. C'est une pièce très actuelle, dont les échos à nos sociétés actuelles et à nos politiques d'ailleurs se feront extrêmement nombreux. C'est donc à voir au Théâtre de la Manufacture de Nancy. C'est une pièce de Pierre Corneille qui s'intitule Le Menteur et qui se jouera du 25 février au 1er mars 2025. Pour terminer ce court agenda et cette court intermède donc, de rendez-vous culturel, j'aimerais vous parler d'un film qui, au moment où nous enregistrons cette émission, n'est pas encore sorti mais qui fait déjà énormément parler de lui. C'est un film qui s'intitule The Brutalist. C'est un des incontournables de ce début d'année 2025. C'est joué avec un Adrien Brody qui fait déjà office de favori pour les Oscars, et c'est réalisé par Brady Corbett. Voilà, c'est ce nom que je cherchais. C'est un long métrage qui fait 3h35 et qui a la particularité, selon les premiers échos de la presse, d'avoir une interlude, un intermède au milieu de 15 minutes, c'est-à-dire qu'il y a 15 minutes au milieu du spectacle durant lequel vous pouvez tranquillement respirer, aller aux toilettes ou quoi que ce soit. C'est déjà une particularité assez improbable en soi qui a fait beaucoup réagir lorsque le film a été présenté à la Mostra de Venise en l'année dernière, donc en 2024. À cette même Mostra, il a d'ailleurs remporté le Lion d'argent du meilleur réalisateur. C'est donc un immanquable qui sort dans les salles obscures le 12 février, qui sera donc encore à l'affiche au moment où cette émission sera diffusée. Pour en donner un tout petit peu plus sur l'histoire, c'est donc l'histoire de Laszlo Toth, ou Toth, je ne sais pas vraiment comment on prononce, qui est avant tout connu pour avoir vandalisé la Pietà de Michel-Ange en 1972. Lorsqu'il vandalise ce chef-d'œuvre de la sculpture, il criera « Je suis Jésus-Christ ressuscité des morts ». C'est un architecte hongrois qui est né en Hongrie, qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et qui va décider de partir aux États-Unis pour tout simplement vivre son rêve américain. C'est tout un programme, c'est une réalisation donc de Brady Corbett qui nous raconte donc cette histoire de Laszlo Toth avec dans le rôle titre donc Adrien Brody. C'est un film qui a déjà énormément fait parler par ailleurs puisque le film a été récompensé au Golden Globes du meilleur film dramatique et donc comme je le disais du Lion d'argent à Venise. Et Adrien Brody fait d'ailleurs office de favori pour les Oscars pour l'Oscar donc du meilleur acteur. Lui qui est déjà d'ailleurs le récipiendaire du plus jeune Oscar du meilleur acteur puisqu'il l'avait reçu pour le pianiste au début des années 2000. C'est donc un immanquable qui sortira le 12 février au cinéma qui s'intitule donc The Brutalist. C'est un des incontournables de ce début d'année. Pour terminer cet agenda culturel, j'aimerais juste vous évoquer une lecture que je suis en train d'achever, qui est une lecture d'un grand classique de la littérature française, puisqu'il s'agit du procès-verbal de Jean-Marie Gustave Le Clézio, qui est un prix Nobel de littérature français. Le procès-verbal, c'est un ouvrage qui a obtenu le prix Renaudot en 1963, si je ne m'abuse, et qui est un texte tout à fait singulier qui raconte l'histoire du jeune Adam, ou Adam, c'est comme vous préférez, qui vit dans une villa abandonnée à proximité de la mer et qui entretient une relation très particulière avec une jeune amie à lui, tantôt amie, tantôt amante, tantôt ennemie, qui s'appelle Michel. C'est un texte qui s'inscrit comme l'un des incontournables du mouvement dit du nouveau roman de Jean-Marie Gustave Le Clézio, pardon, et qui offre des singularités dans sa mise en forme, puisqu'il y a certains passages qui sont raturés, d'autres passages qui sont complètement effacés, des représentations par exemple d'annuaires ou encore des représentations de journaux au sein même de l'ouvrage. C'est l'une des particularités évidemment du nouveau roman puisque le nouveau roman s'inscrit comme un genre tout à fait nouveau en écho à la nouvelle vague qui varie complètement selon donc sa forme. C'est une lecture tout à fait rafraîchissante, tout à fait originale, que ce soit dans le style d'écriture tout à fait poétique, tout à fait lyrique et empli de figures de style de Jean-Marie Gustave Le Clézio. Et c'est un texte que l'on pourrait rapprocher, à mon sens, de L'étranger d'Albert Camus avec ce jeune homme qui erre entre la plage, entre sa villa abandonnée, entre ses amis avec des déambulations parfois alcoolisées le soir où il va suivre certains inconnus. C'est un texte tout à fait particulier, j'en suis à peu près aux deux tiers et je tenais tout de même à vous le recommander pour conclure cet agenda culturel. Un petit point sur les jokers à présent, Gilles. Oui, alors on a pas mal de choses à présenter à nos auditeurs. Alors on tenait à vous donner maintenant un petit coup d'œil rétrospectif sur ce qui s'est passé donc, sur cette année 2024 et on s'est aperçu que c'était vraiment impressionnant. Alors la saison que nous avons fait partager à nos lecteurs, on voulait redonner un peu se dérouler aux auditeurs de Fagette de l'émission et on s'est aperçu qu'on a fait prévaloir de nombreux talents de l'excellence culturelle. Il y a eu des déambulations absolument incroyables. Il y a eu des arrêts sur image, qui étaient assez conviviaux, de différentes manifestations, en fait que de souvenirs étonnants à partager. Alors tout d'abord, un petit coup de chapeau à Yihua Cheng, artiste créateur d'origine chinoise, un artiste complet, passionné, qui a aussi, soulignons-le, réalisé la plupart de nos visuels, puisqu'il est... collaborateur et plus que ça. Donc, on le remercie pour ça. Voilà, il est souvent en Lorraine, il est tombé amoureux de Nancy, mais il est actuellement en région parisienne aussi. Voilà, il a accompagné au niveau graphique tous les différents trophées emblématiques qui ont été décernés au fil de l'année. Alors, ça serait trop long, on ne va pas vous donner tout l'historique de ce qui s'est passé. On a fait une petite sélection, on vous a concocté ça. Parmi... l'enthousiasme de ces pépites. Il y a la tournée hexagonale d'une pépite musicale qui est Madeleine, qui maintenant a un public de plus en plus nombreux, qui a été un peu la révélation 2024-2025, Joker d'Or France pour l'excellence pour son talent musical. Et puis, parmi les principaux temps forts, Lumière en art pilote co-anime des expositions. Et on a eu celle du remarquable photographe Laurent Nombrini, où ses œuvres ont été exposées donc à la fin de l'automne 2024 à la médiathèque Gérard Thirion à l'Axou, donc Grand Nancy Grand Est. Un joli pari très réussi d'un beau partenariat avec la ville de l'Axou dans le Grand Nancy. Alors, cette saison passionnante a été aussi l'occasion de mettre à l'honneur différents trophées gourmands. On a eu le Nec plus Ultra au niveau gastronomique avec un duo de deux chefs talentueux au restaurant Levé Four à deux pas de Saint-Èvre en Ville-Vieille. Et puis, on a trouvé un spot sympathique qui serait digne de ce qu'on peut trouver dans certains quartiers très mode à Paris, qui est en Ville-Vieille aussi, qui s'appelle l'Univers. Donc voilà pour ces événements. Et puis récemment, on a également mis à l'honneur un établissement qui jusqu'à présent s'était un peu spécialisé sur une création originale de pizza, mais des différentes régions de France, et qui est devenu la Brasserie Stanislas il y a quelques jours. Donc on vous le recommande vivement, avec un chef qui s'est fait très remarquer à Reims et qui maintenant anime ce restaurant. Donc vous y serez le bienvenu. Alors au fil de l'année, ça a été l'occasion pour Lumière en Art de lancer tout doucement, tout en douceur, une rubrique mode. Et on a pu participer ainsi avec nos amis de l'équipe de Paris ou du Sud à différents événements de cet univers. Présentation d'expositions lors des saisons. Lumière en Art a aussi évoqué différentes artistes, différentes événements, on pourrait dire, artistiques, de Sonia Ohanian, de Lucine Paris-France. Ces manifestations ont vraiment été des pépites avec un public très nombreux. On y a remarqué la présence très appréciée du fameux guide national, le Wuzhou. Voilà. Dans les projets, bien sûr, l'émission Éclat de Lumière qui maintenant va devenir, on l'espère, une habitude et on va trouver petit à petit notre rythme de croisière. On fait en sorte voilà. Quelques ajustements, mais on va y arriver. On remercie, j'en profite au nom de l'équipe parce qu'il a été salué, remercié très récemment avant les fêtes de Noël, Victor Belin, donc coordonnateur de l'émission, rédacteur en chef qui est très actif, l'opéra, le spectacle vivant, le théâtre et surtout les livres avec notre partenaire notamment du hall du livre. Donc c'est un ensemble. Merci beaucoup. Passionnant. Et puis parmi certains invités que nos auditeurs ont pu découvrir, ont été nominés, ils étaient lauréats donc il y a quelques semaines encore, alors citons-les pour les principaux, Jackie Johannes, photographe remarquable qui a suivi 50 ans de la vie du Nancy Jazz Pulsation, du NJP, et qui avait fait récemment encore une exposition très appréciée, donc pour son talent, qui a eu un joker de l'excellence en photographie pour le Grand Est. Alors parmi les artistes photographiques et picturales, saluons aussi coup de chapeau à Ivana, qui a fait des choses remarquables pour ses expositions de peinture. Qui est venu d'ailleurs dans l'émission, je crois que c'était en novembre ou en décembre, quelque chose. Novembre, il me semble. Quelque voilà. Chose comme novembre ça. Novembre ou décembre. Novembre, voilà. Jean-François Vineau, pareil, qui a participé, évidemment, que vous avez découvert à notre émission, et on a quelques projets avec lui pour l'été et l'automne. Autre démarche artistique avec incluant la photographie. Là, les œuvres photographiques et les auteurs n'ont pas été en reste puisqu'on a donné un grand hommage cette fois-ci en coup de cœur national au niveau de l'ouvrage pour Nancy Vintage, pour cette rétrospective des belles années de Nancy, de Jean-Pierre Puton, président fondateur de la Biennale internationale de l'image, entre autres. Avec, on avait aussi... je cherchais son nom, voilà, Jérôme Estrada de Tourniel, j'avais peur de l'écorcher, qui est très investi à l'Est républicain et qui a collaboré encore au dernier ouvrage. Différentes personnalités également ont été remerciées. Et puis, effectivement, on a eu aussi, et ça, faut pas l'oublier, parce que c'était un bel événement, lors de cette soirée de remise du Joker d'or 2024-2025, avec un coup de cœur pour une personne qui est une journaliste de grand talent, France Info Net, qui est Nunchia Dumornay, et qui a été remerciée aussi pour tout son talent, tout ce qu'elle peut faire lorsqu'elle couvre des événements en Grand Est et au-delà. Je terminerai avec une petite note gourmande et puis une petite info. Alors, le must gourmand, voilà, de cet événement, ça a été un lauréat qui excelle, qui a eu tour à tour un joker Grand Nancy, puis Grand Est, et puis Région, et puis France cette fois-ci, avec le plébiscite du club Lumière en Art. Nicolas Génaud, maître conviseur, grand chocolatier au talent très varié, avec la célèbre maison des Sœurs Macaron à deux pas de la place Stanislas à Nancy, à présent une renommée internationale avec de fabuleuses spécialités de ses macarons. Beaucoup de choses ont été dites sur lui par des télévisions et des chaînes internationales, notamment la première chaîne japonaise. Et pour la première fois, on a nominé un artisan, un véritable artiste, de la boulangerie, qui fait aussi de la pâtisserie. C'était un coup de cœur pour son talent créatif, Fabrice Guisdac. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous trouverez ses spécialités et ses pains excellents au 19 rue Rographe à Nancy, en Grand Est. Une figure emblématique de l'art de vivre, un amoureux des terroirs. Il est simple, c'est un homme modeste, mais qui connaît énormément de personnalités dans le domaine de la gastronomie. Et son credo, je disais, c'est faire du bon pain. Il a tout simplement la passion de créer aussi de nouvelles pâtisseries, d'être à l'écoute de sa clientèle. Voilà pour les jokers. Et puis, effectivement, la petite nouveauté, c'est qu'on est en train de créer pour 2025 le Cercle de l'Excellence Culturelle Lumière en Art, où chaque artiste, pépite, talent, personnalité, artisan, ou simplement un ami investi dans une activité de loisirs ou de culture pourra rejoindre ce comité des membres d'honneur aux côtés des grands jokers d'or Grand Est et France, trophée talent excellence. Voilà, et puis parmi les premières personnalités, vous retrouverez donc Sonia Ouanian, l'artiste Vano, Verana Ivanage, Jean-François Vinault, Laurent Ambrini, Gilles Georges, bien sûr, Tito, Jean-Pierre Puton, Vianney Huguenot, Jérôme Prodhomme, Mélodie Gollet, qu'on est fiers de suivre dans sa carrière fabuleuse artistique et musicale, l'artiste Madeleine Lisco, qu'on a accompagné et à qui on avait remis un trophée, Nuncia Dumornay pour France Info, Dimitra Pandora, metteur en scène qui fait partie de l'équipe Lumière en Art Paris, Charbel Atem, donc, qui est soprano donc pour l'opéra, Ralph Benoît, photographe, Dominique Tibéry, photographe, Philippe Leclerc, photographe, l'écrivain Gilles Laporte. Et comme je ne vais pas lasser les auditeurs, je m'arrêterai là. Eh bien, que d'informations, Gilles. On va se laisser un tout petit instant avant d'entamer la dernière partie donc, de cette émission, donc avec Mouloud notamment, qui va nous lire un petit texte. En attendant, je vous laisse avec un grand classique du rock, à savoir AC/DC, Back is Black. On se retrouve dans quelques minutes sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière. À tout de suite. De retour donc sur Fadjet Radio, c'est l'émission Éclat de Lumière, comme tous les deuxièmes jeudis du mois. On va rentrer dans la dernière partie de notre émission et je vais laisser à présent notre ami Mouloud qui, comme lors de l'émission de décembre, va vous lire un court texte pour conclure cette émission. Mouloud, c'est à toi. Oui, alors j'ai retrouvé dans mes archives un texte, quand je l'ai lu, il m'a vraiment plu, hein, mais je pense qu'il a été écrit peut-être à la période où il y avait peut-être un attentat à Charlie Hebdo, je pense. Hein. Mais voilà, il fait la promotion des arts comme un texte thérapeutique, effectivement, qui résout tous les problèmes effectivement des maux sociaux et des dérives du monde politique comme ça se passe actuellement. Voilà, donc il est d'actualité. Notre pays donc doit ressembler à ce qu'il y a de plus beau en nous. Il doit ressembler au désir de générosité, de liberté, de fraternité et de justice qui anime ses habitants et en particulier sa jeunesse. C'est elle qui est d'abord blessée. Elle le sera plus gravement si le nouveau visage de notre pays est celui de la division et de la haine. Nous prenons la parole ici parce que nous savons que la politique a besoin de l'art. La politique a besoin de nous, de chacun de nos concitoyens, que nous voulons appeler nos amis. Il est de l'art de puissant remède à tout ce qui nous atteint. L'art peut agir sur la fraternité réelle. Il y a des fraternités obscures, celles qui réunissent la décision de détruire. Il y a des fraternités faibles, celles qui réunissent la décision de préserver. Mais il existe en France une autre fraternité, celle d'un monde neuf et juste, qu'il suffit de recommencer. L'art est le lieu où la fraternité s'organise sous le sceau de l'espoir. L'art est le seul lieu où se voit encore cet autre monde que vous. Gens de la politique ne voyez plus. Quand les gens font l'art avec nous, ils prennent confiance en leur désir de vivre autrement. Ils trouvent le mot et les manières. Ils sont frères parce qu'ils sont tous des nouveau-nés, tous étrangers devant la nouveauté du monde. Les jeunes de notre pays doivent être certains que chacun de leur vie compte et que leur désir d'un monde égalitaire est le seul trésor national que nous ayons. L'art peut agir sur l'identité. La seule identité véritable est celle qui est devant nous. En arrière, on le sait, c'est la mort. L'art défait les places, annule les propriétés. Il propose qu'une identité nouvelle soit mise en partage pour tous. Les jeunes de notre pays doivent maintenant savoir que leur identité sera celle d'un projet, d'être français. C'est appartenir à un pays qui permet à tous la confiance dans l'avenir. L'art est le lieu où s'invente une identité nouvelle en étant les acteurs d'un monde à construire, d'une harmonie nouvelle. L'art peut agir sur la paix. Maintenant, il est nécessaire de redire que nous avons besoin de la concorde et de la paix. L'art est l'endroit doux où s'examine chaque raison, chaque douleur, chaque nœud de la conscience. L'art prononce l'humanité totale de nos existences. Il relève les impasses dans la perspective de nouvelles manières de vivre. Les jeunes ont besoin de lieux qui les écoutent et les reconnaissent. Les gens ont besoin de lieux qui proposent de nouvelles délibérations populaires où nous vaincrons ensemble la difficulté. L'art peut agir sur la vie. L'art est amour du réel qu'il respecte. Il respecte chaque aspect de la vie, de la matière, de l'humanité, de la terre et du ciel. Quand les gens font l'art avec nous, ils apprennent que rien ne peut s'y faire par offense à la vie, ni celle des autres, ni la sienne propre. L'art est le lieu où la beauté de la vie redevient l'unique objet de nos efforts, du travail qui doit fabriquer de la vie, de l'étude qui doit fabriquer de la vie, de la famille et de l'amitié qui doit fabriquer de la vie, de la loi qui doit fabriquer de la vie. Les gens de ce pays doivent avoir la certitude que chaque vie sera prise en compte, que nul ne vit rien d'invisible et manipulable. Vous avez besoin de nous tous, gens de la politique, parce que nous sommes encore là pour croire que la vie est à la dimension du désir et de la vision, parce que nous sommes encore là pour prouver dans nos œuvres, dans notre travail avec les gens, que la tâche d'une société est d'organiser des formes qui tiennent debout et fabriquent de la joie. Non, nous, dans ce pays blessé, nous nous souvenons avec Rousseau que l'homme est bon et que c'est la seule chose qu'il faille croire et nourrir. C'est la seule parole que nous, jeunesse, doit entendre, que notre jeunesse doit entendre et réaliser désormais. Notre pays a su inventer un projet d'amitié et de fraternité sans réserve où chaque vie, même la plus petite, devrait être prise en compte. Nous avons besoin de renouer avec le désir d'un monde. L'art est jeune, il est le lieu de la fraternité, où la fraternité s'organise, il est le lieu qui voit encore, il est le lieu où le désir prend forme. C'est pourquoi nous ouvrons nos œuvres et nos théâtres, compte tenu, bien sûr, c'est à l'époque où il devait ouvrir les théâtres pour les visites. Voilà. C'est un texte plein d'émotions et d'une justesse rare, donc merci beaucoup Mouloud pour ça. Sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission, donc Éclat de Lumière, pour ce mois de février 2025. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout, évidemment, et nous vous remercions d'être toujours plus fidèles chaque mois à cette émission toute nouvelle qui prend ses marques, comme l'a dit Gilles tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous retrouver sur les réseaux sociaux, les pages Facebook, donc Lumière en Art et Lumière en Art officiel, ainsi que sur la page Instagram lumièreenart.mag, et depuis tout récemment sur TikTok, donc avec Lumière en Art. Et je le dis quand même assez peu, mais nous avons également le site internet hein, Lumière en Art. N'hésitez pas à aller faire un tour dessus, c'est là que nous regroupons donc tous nos articles, nos recommandations culturelles et nos liens avec nos partenaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. On se retrouvera peut-être mi-mars ou peut-être début avril, tout va dépendre donc du planning. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie encore, au revoir.